La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. Radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous entendrons ce matin le dernier des cours que le professeur Pierre-Étienne Ville, titulaire au Collège de France de la chaire d'histoire de la Chine moderne, a consacré cette année aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, donc dans la Chine de la première moitié du XXe siècle. Cours que Pierre-Étienne Ville poursuivra l'an prochain, tant sa documentation est nouvelle et abondante. Dans le cours que nous avons entendu hier, Pierre-Étienne Ville retraçait les premières ébauches du travail qui avait conduit les administrateurs de la province du Tianxi à reconstruire toute l'irrigation de leur région après une famine d'une grande violence juste avant les années 20. Les ingénieurs chinois comme Li Zhe, devenu depuis un héros national en Chine, et qui était un homme intègre et de grandes compétences, ainsi que ses élèves, travaillèrent avec des ingénieurs étrangers comme l'ingénieur Todd, qui dépendait des fonds d'un groupe philanthropique américain, la CIFRC, c'est-à-dire la Commission internationale de secours contre la famine en Chine. Les problèmes politiques dans cette Chine des seigneurs de la guerre et de la révolution naissante étaient tels que la reconstruction du canal Longdong, appelé encore Tinhui, et qui permettait l'irrigation de la province, dut attendre 10 ans, c'est-à-dire le début des années 30, pour commencer. La situation au Shanxi, et encore je me limite essentiellement à la région centrale, donc c'est-à-dire la plaine du Guangzhou, la situation au Shanxi était tellement confuse, et surtout elle était tellement instable, qu'il nous est extrêmement difficile de nous figurer de façon un tant soit peu concrète comment elle était perçue et surtout comment elle était vécue sur place par les gens dont j'aurai tout à l'heure à parler. Le problème, c'est que dès qu'on s'adresse à un éventail un peu large de sources, on est confronté à des notations ou à des impressions à première vue très contradictoires et que pourtant il faut bien essayer de concilier. Politiquement, par exemple, il y a au Shanxi, à cette époque, un gouverneur désigné par le gouvernement central à Pékin, en principe, avec une bureaucratie et différents organismes spécialisés sous son gouvernement, comme le bureau d'hydraulique et le bureau d'éducation, par exemple, auquel j'ai fait allusion, et que Li Zhe sera appelé à diriger pendant ces années, l'un et l'autre. Mais il y a aussi, par exemple, le bureau de reconstruction, le Tianxiting, qui est un bureau très important, où il opérera plus tard dans sa carrière. Le Tianxiting, qui est donc chargé de tout ce qui intéresse ce qu'on appelle la reconstruction, c'est-à-dire les infrastructures, le problème de production, etc. Donc il y a tout ça. Ensuite, il y a, toujours au Shanxi, à Xi'an en tout cas, une assemblée provinciale qui est supposée voter les mesures proposées par le gouverneur, par exemple le budget de la province, ou alors des projets d'emprunt, comme celui dont je parlerai plus tard. Il y a un administrateur civil à la tête de chaque sous-préfecture, donc qui correspond aux magistrats de l'époque impériale. Et enfin, il y a des forces armées cantonnées ça et là, des divisions, des brigades et des régiments avec un matricule et avec un chef de corps supposé obéir aux ordres de sa hiérarchie. Comme nous le verrons, Li Zhe et ses collègues ne peuvent ignorer ces instances et ces institutions s'ils veulent promouvoir leur projet de construction d'infrastructures. Mais cette apparence d'ordre ou d'organisation relative recouvre des réalités tout à fait différentes, et il faut en fait attendre le début des années 1930 pour qu'un processus de construction étatique et administrative digne de ce nom commence à s'engager dans la région. Le gouverneur Liu Zhenhua, une fois débarrassé de la présence encombrante de Feng Yuxiang au printemps 1922, dispose en fait de pouvoirs quasi dictatoriaux à commencer par celui de pratiquer une politique fiscale aussi arbitraire que prédatrice. Il semble avoir poursuivi les pratiques de son prédécesseur, c'est-à-dire Chen Shufan, dont j'ai beaucoup parlé, consistant à imposer de facto aux paysans, dans de nombreuses régions, la culture du pavot, qui est officiellement illégale, mais qui rapporte d'énormes revenus sous la forme à la fois de taxes et d'amendes. Cela n'empêche pas, bien entendu, les caisses du gouvernement provincial d'être vides, ou presque, car les forces armées, à commencer par l'armée personnelle de Liu Zhenhua, son armée de seigneur de la guerre, c'est-à-dire la Zhen Songtun, qu'il a amenée du Renan et dont j'avais dit un mot, ces forces militaires donc disposent en priorité des ressources de la province, sans parler bien sûr de l'enrichissement personnel du gouverneur. Par ailleurs, autant qu'on puisse en juger, l'influence de l'Assemblée provinciale est insignifiante et quant à eux, les magistrats locaux sont totalement impuissants face aux militaristes qui sont cantonnés sur leur territoire. Ces seigneurs de la guerre locaux du Shaanxi, chacun d'entre eux quasi indépendant dans son petit royaume, symbolisent en fait les limites que rencontre très vite le pouvoir du gouverneur militaire de la province. Plusieurs auteurs considèrent cette situation, comme auteur chinois écrivant dans les Wenshu de Liao, comme un héritage de la Qingguotun, c'est-à-dire de l'armée reconstituée par Yu Yuzhen, l'armée de pacification du pays, de la Qingguotun, donc qui, à leurs yeux, n'a jamais vraiment été la force révolutionnaire organisée et disciplinée, placée sous la houlette de Yu Yuzhen, que beaucoup d'autres auteurs ont voulu y voir. Ainsi, par exemple, un certain Sun Weizhu, qui avait été un lieutenant de Yang Hucheng à l'époque et qui a écrit donc un article dans les Wenshu Ziyao du Shaanxi en 1962, donc qui avait bien connu qui avait été sur place, Sun Weizhu n'hésite pas à dire que, en dépit du rôle, comme il dit, objectivement progressiste qu'elle a joué, l'unité de la Qingguotun réorganisée par Yu Yuzhen en 1918 n'était qu'une illusion, une façade. Il s'agissait en réalité d'un agrégat de petits seigneurs de la guerre placés à la tête de troupes indisciplinées, chacun exploitant son territoire et ayant causé, dit-il, dit Sun Weizhu, pas peu de dommages aux populations. Sun Weizhu explicite d'ailleurs le caractère, c'est intéressant, le caractère hétéroclite des six routes, c'est-à-dire des six secteurs comme dont j'avais parlé, organisés par Yu Yuzhen et confiés à des chefs dont en fait la plupart étaient déjà en place. Il l'explicite en spécifiant que la première de ces routes était composée de ce qu'on appelait au Shaanxi des sabreurs, c'est-à-dire des daoke, c'est-à-dire qu'il s'agissait en l'occurrence de paysans ou de petits artisans, enfin de déclassés qui étaient entrés en rébellion, qui se déplaçaient avec un sabre, d'où leur nom, et qui existaient depuis le milieu du XIXe siècle, forment une sorte de société secrète, qui avaient participé à la révolution de 1911. Et en fait, le jeune Routigny était un de ceux qui avaient su mobiliser leur collaboration avant de devenir des sortes d'hommes de main se mettant au service des seigneurs de la guerre. Donc ça, c'est le personnel, disons, de la première route. La seconde, c'était essentiellement, dit-il, des bandits locaux, two-face, qui est encore pire. La troisième, en revanche, était dominée par des adhérents de la Ligue Jurée et par des étudiants progressistes qui avaient fait leur classe dans la lutte contre Yuan Shikai. La quatrième route, ou quatrième secteur, commandée par Routigny, donc, était en fait la seule armée régulière du lot. La cinquième était formée d'anciennes milices paysannes, et enfin la sixième était formée de troupes venues de Mongolie intérieure, qui semblent avoir été particulièrement redoutées des autochtones. Un autre auteur, nommé Zhang Xuanwu, cet auteur donc Zhang Xuanwu, qui a été lui officier au Shaanxi en 1928, rappelle que depuis l'époque de Lu Tianzhang et Chen Shufan, c'est-à-dire depuis 1914 pratiquement, et il aurait pu ajouter pratiquement également jusqu'en 1930, le Shaanxi avait été le théâtre d'incessantes et confuses batailles entre seigneurs de la guerre importants, si l'on veut, entrant dans la province et en sortant au gré des batailles et des alliances. Mais il affirme lui aussi que c'est depuis la fondation de la Qingguotun qu'on a vu proliférer des seigneurs de la guerre locaux à petite échelle ou au petit pied, et parfois à très petite échelle, natifs de la province, chacun protégeant son indépendance dans ce que cet auteur appelle son petit royaume féodal, et ignorant superbement les mutations et les ordres de marche édictés par les autorités, puisqu'aussi bien, sur le papier, ces gens sont des généraux soumis à une hiérarchie. Lorsque Feng Yuxiang, revenu au pouvoir au Shaanxi après la fin du siège de Xi'an en 1926, tentera de les éradiquer en envoyant contre eux les forces qui dépendent directement de lui, et qui s'appelle depuis la fin de 1924 l'armée nationale, la Kuomintang, j'en reparlerai. À partir de ce moment-là, donc en 1927 et 1928, ces petits seigneurs de la guerre locaux vont s'enfermer avec leurs réserves et leurs arsenaux, parfois débordants, à l'intérieur de leurs villes, lesquelles villes sont toujours équipées de murailles très imposantes et de fossés qui remontent à l'époque impériale. Le Guangzhou ayant été de tout temps une région éminemment stratégique. Et ils ne seront progressivement délogés donc de leur place forte en 1927 et 1928 qu'au prix de batailles sanglantes. Bref, c'est dans ce contexte d'anarchie, à quoi il faut ajouter les déprédations considérables causées par le banditisme dans la région, notamment pendant les périodes de disette, c'est dans ce contexte d'anarchie qu'il faut replacer les projets de reconstruction d'un Lijie. Rien ne pouvait être fait sans la bonne volonté des militaristes locaux qui contrôlaient une bonne partie du territoire de la province jusque dans le cœur du Guangdong et y compris les sous-préfectures qui correspondaient au périmètre d'irrigation du Weibei, c'est-à-dire, pour citer les trois principales, Qingyang, Sanyuan et Gaoling. Mais il est vrai d'un autre côté que son entreprise de reconstruction hydraulique, quoique dirigée en principe depuis le bureau d'hydraulique de Xi'an, était d'une certaine manière un projet fédérateur, pourrait-on dire, dans la mesure où il s'agissait de donner un véritable coup de fouet à la productivité de l'agriculture locale, et que cela ne pouvait qu'intéresser tous ceux qui vivaient des surplus produits par cette agriculture, à commencer par le gouvernement provincial et par les seigneurs de la guerre locaux. Au reste, le centre stratégique du projet, c'était le bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei, situé à Sanyuan, et qui était apparemment la chose de Hu Tingyi et de ses clients dans la région. Bureau, à commencer par Li Zhongshan. Bureau dont Li Yijie avait en même temps été nommé ingénieur en chef, et que la province semble d'ailleurs, encore que ce ne soit pas tout à fait clair, je veux dire pour le moment, avoir essayé de rattacher directement au bureau d'hydraulique de Xi'an. Mais, quoi qu'il en soit de tout cela, Li Yijie se met au travail aussitôt après son arrivée à Xi'an. Le bureau d'hydraulique que lui a légué Guo Xijun était terriblement pauvre en hommes compétents, en matériel et en moyens. Mais Li Yijie a amené avec lui deux collègues du collège d'ingénierie Rurai de Nankin, qui sont aussi ses anciens étudiants, bien sûr, dont Obu Chuan, qui sera 20 ans plus tard l'auteur de sa biographie chronologique et l'éditeur de ses écrits, et à qui j'avais fait allusion à ce sujet au début de mes exposés. Ces deux ingénieurs professionnels dirigeront les deux équipes d'investigation, en principe de 7 ou 8 personnes chacune, mais dans les faits, semble-t-il, à géométrie variable en fonction des besoins, constituées par Li Yijie, l'une pour les relevés topographiques et l'autre pour les relevés hydrographiques. Et c'est pour ça qu'elles sont appelées respectivement Ludwe et Shuedwe, c'est-à-dire l'équipe de terre et l'équipe d'eau, si on veut. Pour la deuxième campagne de relevé, d'ailleurs, dans la gorge de la Ting, Li Yijie parle quelque part d'une équipe d'une trentaine de personnes, avec équipées de tentes, de matériel, etc. Li Yijie aurait également été obligé, d'ailleurs, d'emprunter des géomètres au bureau topographique de l'armée de terre à Xi'an. Donc il faut croire qu'il existait de bons techniciens, mais qu'ils étaient monopolisés par les militaires. Le détail des études dirigées par Li Yijie sur le site du Weibei et dans la gorge de la Ting nous est assez bien connu, car il en a fait état dans plusieurs rapports très circonstanciés, reproduit dans les éditions modernes de ses écrits. Il y a eu trois campagnes de relevé, respectivement démarrées à la fin d'octobre 1922 et qui durent jusqu'au début du mois de mai 1923 et même jusqu'en juin pour les mesures de débit de la rivière. Puis deuxième campagne à l'hiver 1923-1924 et enfin la troisième à la fin d'avril 1924. Toutes sortes de mesures ont été effectuées sur l'hydrologie de la Ting, c'est-à-dire le profil de la rivière, des coupes transversales du Li partout où c'était possible, des courbes de débit, l'analyse du contenu en sédiments, etc., etc., ainsi que des observations en série sur le régime pluviométrique et sur les taux d'évaporation, encore que ces derniers points, bien sûr, demandent que l'on poursuive les observations pendant une assez longue durée, même très longue durée, pour pouvoir donner des résultats significatifs. C'est d'ailleurs ce qui avait été prévu. Donc on a fait ça, on a également procédé à des analyses géologiques, et surtout on a consacré de longs mois à établir un relevé topographique extrêmement précis, aussi bien de la gorge de la Ting que de la plaine irrigable. Et cette dernière, que l'Yijiu considérait au départ dans son extension maximale, s'étend sur des distances tout à fait considérables. La troisième campagne d'investigation, qui date donc d'avril 1924, avait un objet spécifique et qui tenait à cœur à Yijiu, c'était de finaliser les relevés, plutôt compliqués à faire en raison d'un environnement très escarpé et aussi peu hospitalier que possible, de finaliser les relevés à l'endroit qu'il avait sélectionné pour édifier un barrage qui formerait un vaste réservoir d'amont, c'était donc le fameux lieu dit Diaoerzhou dont j'ai souvent parlé, un réservoir donc dont il escomptait qu'il accroîtrait significativement la quantité d'eau disponible aux périodes de l'année où on en avait besoin pour les différents types de cultures, qu'il constituerait un stockage de sécurité pour les années de sécheresse, et enfin qu'il permettrait de réaliser ce qui est toujours resté son rêve, c'est-à-dire d'édifier un système d'irrigation aussi vaste qu'était réputé avoir été le canal Zhengguo originel, construit, comme je vous l'avais rappelé au début, pour le futur Xinshuangdi, au milieu du IIIe siècle avant notre ère. En 2 mois, lors de la première campagne, l'équipe avait réussi à remonter 7,5 km en amont du débouché de la gorge avant d'être arrêtée dans sa progression. Lors de la deuxième campagne, ils avaient parcouru la même distance, mais en suivant les crêtes. Et enfin, cette troisième investigation, confiée, nous dit Lijie dans son rapport, il a fait un petit rapport spécial sur cet épisode, confiée à une équipe réduite et constituée de costauds, dit-il, cette troisième investigation trouve finalement des passages qui permettent de remonter à une 50 km du débouché, donc toujours de la gorge de la Qing. Les deux principaux rapports rédigés par Li Yijiu, le premier en 1923 et l'autre en 1924, incluent en proportion variable des rappels historiques, des indications sur l'organisation et le déroulement des travaux, dont un tableau qui résume au jour le jour les travaux des deux équipes lors de la première campagne, des résultats plus ou moins détaillés et parfois extrêmement détaillés des différents types d'investigations, des descriptifs sommaire, cela des travaux envisagés. Lijie précise d'ailleurs dans son rapport de synthèse que cette partie, plus spécifiquement travaux publics du programme, a été préparée par son élève Xu Kai, dont j'avais mentionné un essai dans les Wenshizhiya et qu'il avait fait venir au Shanxi en 1924. Et Xu Kai est resté un ingénieur assez connu jusque dans les années 60, je crois. Et enfin, ces rapports contiennent des estimations relativement détaillées et fragmentées, donc par poste, des coûts. Dans la forme où nous y avons accès, il comporte une quantité de tableaux de chiffres, mais on ne peut que regretter que les nombreuses cartes, parfois extrêmement précises, qui les accompagnaient originellement, n'aient pas été conservées, bien que les textes en donnent la liste. Pourquoi plusieurs rapports? C'est que, au cours de ces 2 années de travail intense, donc de la fin 1922 au milieu de 1924, Li Yijiu a été conduit à modifier quelque peu ses projets. En fait, il a été conduit à les réviser à la baisse, mais sans jamais abandonner l'espoir d'arriver un jour à réaliser ses plans les plus ambitieux. Et s'il a dû les modifier, c'est pour 2 sortes de raisons. C'est d'une part parce que les investigations complémentaires faites pendant les 2e et 3e campagnes, ainsi d'ailleurs que les remarques de certains de ses collègues étrangers, Todd en particulier, ont conduit Li Yijiu à revoir certaines hypothèses, certains chiffrages et certaines propositions. Et d'autre part, il y avait des contraintes de financement. Et là, le principal interlocuteur, c'était déjà la CIFRC. Mais avant d'évoquer les contacts de Li Yijiu avec ses collègues étrangers, qui étaient aussi ses bailleurs de fonds potentiels, je voudrais rapidement préciser en quoi consistaient ces projets alternatifs présentés dans les rapports de 1923 et 1924. Enfin, projets alternatifs, plutôt ces différentes options présentées dans les rapports de 23 et 24. En gros, on peut dire que Li Yijiu partait d'une hypothèse maximale, laquelle aurait donc ressuscité les 2 grands canaux de l'Antiquité, le canal Zhengguo des Qin et le canal Bai ou Baigong, donc du sieur Bai, datant du 1er siècle avant notre ère, donc de la dynastie des Han. Et ce sont bien dans ces termes qu'il présente lui-même son propre projet. Ce sera un nouveau Zhengguo, un nouveau Bai. Les deux canaux en question correspondent à deux zones qu'il appelle, que Li Jue appelle respectivement la zone sud pour le canal Bai, enfin, ce qui correspond au canal Bai, c'est-à-dire grosso modo le canal tel qu'il existait à la fin de l'Empire, et le Long Don, mais quelque peu agrandi, donc la zone sud, et d'autre part la zone nord pour ce que Li Jue appelle le Zhangguo. Et la limite entre le nord et le sud étant symbolisée par la rivière Qingyu. Donc la rivière Qingyu est cette rivière qui sort de la montagne à l'est de la Qing et qui donc court plus ou moins sur un trajet plus ou moins est-ouest ou ouest-est plutôt. Donc la région, la zone nord, ça devait être ça, et surtout, comme on va voir tout de suite, ça devait s'étendre beaucoup plus loin à l'est. Cette zone nord, comme on le voit donc sur cette carte reconstituée. Sur une carte reconstituée que je vous montre maintenant, des canaux de l'Antiquité, cette fois-ci, comme je viens de le dire, allait beaucoup plus loin à l'est, puisque voilà la rivière Cheli, le Cheli-He, qui marquait l'extrémité est de la carte précédente, et donc le canal devait partir. Ça, c'est l'ancien canal reconstitué. Mais l'idée de Li Jue, c'était de faire la même chose jusqu'à cette rivière qui s'appelle la Lo, et qui est toute proche du fleuve jaune, donc qui marque la frontière est de la province. Et vous voyez la même chose sur cette carte que je vous avais aussi montré, où on voit, qui est moderne bien sûr, où l'on voit donc la zone du, enfin l'ensemble du Guangzhou. Et donc précisément la zone irriguée par le Longdong et qui sera irriguée par le Tinghui se situe là, juste au nord du confluent de la Ting et de la Wei, et Li Jue voulait y ajouter toute cette vaste zone qui était réputée avoir été ainsi irriguée dans l'Antiquité. Basé sur ces arpentages, donc, qu'il a réalisés au cours de ces campagnes, Li Jue calcule une superficie totale potentiellement irrigable égale, en déduisant, après avoir déduit 10% pour les surfaces occupées par les villages, les habitats, les cimetières et les canaux eux-mêmes, une surface potentiellement irrigable égale à 1 423 000 mous pour la zone sud, et 2 972 000 mous pour la zone nord, soit au total près de 4 400 000 mous, ou encore approximativement, pas tout à fait, 270 000 hectares. Et Li Jue donne lui-même l'équivalence. Il donne aussi l'équivalence en acres anglaises, mais ceci, je vous en fais grâce. Or, ce chiffre de 4,4 millions de mous de terre irriguée, qu'il faut comparer au passage avec les 600 000 environ qui seront effectivement irrigués par le canal Tinghui au milieu du XXe siècle, c'est à peu de choses près le chiffre mythique donné dans les histoires dynastiques pour les deux grands canaux de l'Antiquité. La fascination de Li Jue pour ce vénérable précédent, qui avait une valeur évidente de propagande dans la région, se retrouve partout, jusque après que l'idée de le restaurer dans toute sa dimension ait été définitivement abandonnée au moment des travaux entrepris en 1930, à la fin de 1930. Et même si, dès 1924, Li Jue avait été obligé de concevoir des projets nettement plus modestes, comme nous le verrons. Pour ne donner qu'un exemple de cette fascination durable, exemple d'ailleurs intriguant par sa date, on trouve dans le numéro de mai 1926 de la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains, on trouve un article non signé et intitulé, enfin je traduis de l'anglais, intitulé « Un rêve vieux de 2000 ans va devenir réalité au Shaanxi. La science moderne va percer une montagne ancienne. » Les montagnes sont toujours anciennes, mais il faut croire qu'en Chine elles le sont un peu plus. Une montagne ancienne et chasser la famine du Shaanxi. Je dis que c'est intriguant, car en mai 1926, le projet avait dans les faits capoté. Et Li Jue, qui revenait d'une tournée infructueuse pour trouver des financements, n'avait pas même pu retourner à Xi'an car la ville était assiégée par les armées de Liu Zhenhua. Pourtant, l'article, basé sur une interview de Li Jue, où l'on voit une photo de lui, qui est d'ailleurs la seule que je connaisse où il porte des lunettes, cet article présente la chose comme si elle était à la veille de se faire. Simplement, il y a la guerre et c'est retardé. Et surtout, le texte insiste sur ce qu'il appelle les aspects romanesques, entre guillemets, de l'affaire. Le fait que les habitants rêvent, dit-il, depuis des siècles, de percer la montagne où Li Jue a en effet prévu un grand tunnel, plus tout le reste. Et dans un plan plus technique, Li Jue insiste à propos de tunnel dans son projet de 1923, en se basant d'ailleurs sur des autorités américaines, insiste sur le fait que si au moment de la construction un tunnel coûte beaucoup plus cher qu'un canal, on s'y retrouve largement du fait que, à long terme, l'entretien est aussi beaucoup moins coûteux. Enfin, nous apprenons du reporter anonyme que Li Jie, qui semble très optimiste, est tout excité à l'idée de travailler sur le même projet que Zheng Guo, l'ingénieur historique, et de faire aussi bien que lui, et même mieux, puisqu'il y aura des dispositifs modernes de stockage et de régulation de l'eau. Cet article assez journalistique, de ton et bourré d'approximations historiques, n'en présente pas moins l'intérêt de montrer que 2 ans après avoir dû formuler, comme nous allons le voir, des projets beaucoup plus modestes, encore que plus ambitieux que ce qui a été finalement réalisé, Li Jie parle néanmoins de ce qui était son plan initial de 1923 et continue apparemment de considérer que c'est ce qu'il faut absolument essayer de réaliser. Ce projet maximal, donc, voici en quoi il consistait. Et j'ajoute au passage que Li Jie en avait une vision encore plus grandiose juste avant de se mettre au travail sur le terrain, si l'on en croit en tout cas un discours qu'il semble avoir prononcé au cours de sa première visite au Weibei après son retour au Shanxi, puisqu'il disait alors qu'on pourrait irriguer 5 ou 6 millions de mous facilement. Appelé parfois projet A ou Tia dans la numérotation chinoise, ce projet est sommairement représenté en même temps que d'ailleurs le projet B, c'est-à-dire I. Le dispositif de prise d'eau dans le méandre de Diaozue comporterait dans cette option, un barrage haut de 85 mètres formant un réservoir de 80 millions de mètres cubes d'eau, avec en amont un tunnel d'évacuation, c'est-à-dire appelé Culvert Tunnel dans les textes en anglais de Li Jie et Hui Shuidong, c'est-à-dire tunnel qui renvoie l'eau dans les textes en chinois, dont voici un schéma. Donc il faut voir que le nord est ici. Donc ce petit tunnel d'évacuation qui est là avait une fonction très importante, car en coupant le méandre, il aurait permis de protéger le barrage contre les crues exceptionnelles et aussi d'éviter l'accumulation des sédiments et des débris. Et en plus, ce tunnel qu'il était prévu de réaliser au début serait utilisé pour assécher le cours de la Ting pendant les travaux sur le barrage, c'est-à-dire qu'on ferait s'écouler la rivière par là, et du coup on pourrait construire plus facilement le barrage à cet endroit-là. Juste au-dessus du barrage se trouve l'entrée du tunnel, long de 2600 mètres à peu près, 2630 mètres exactement dans la première estimation, qui débouche sur un autre réservoir. Donc voici le tunnel, et qui débouche sur un autre réservoir ici, le Waiku, donc le réservoir extérieur, équipé d'une usine hydroélectrique et donnant accès à l'embouchure du canal d'irrigation proprement dit. Le dénivelé entre l'entrée du tunnel et celle du canal est de 21 mètres, avec un débit de 60 mètres cubes par seconde. Et par comparaison, le débit prévu pour le canal Tinghui, qui s'est finalement réalisé, sera seulement de 14 mètres cubes par seconde. Et en aval, donc, on a 2 canaux, l'un plus au sud, correspondant plus ou moins au tracé du canal Bai, c'est-à-dire au Longdong à l'époque, et l'autre plus au nord et beaucoup plus long, supposé correspondre à l'ancien canal Zhengguo. Ceci donc, c'est la version maximale, la vision idéale en quelque sorte, pour laquelle, en 1923, les études sont d'ailleurs loin d'être terminées. Mais, dès ce premier rapport, et de même dans son interview de 1926, Li Jie propose de commencer par une version un peu plus modeste, qui n'est pas à proprement parler une alternative, mais qui est plutôt ce qu'on appellerait peut-être une phase A, et ça s'appelle Di Qi, la première période, qui sera suivie dès que possible par la réalisation de la phase B, donc la phase maximum. Un projet plus modeste donc, en ce sens qu'il comporterait seulement un barrage d'une douzaine de mètres de haut à Diaozue, donc toujours au même endroit, mais un barrage inondable et bas. Du coup, pas de réservoir à proprement parler, puisque le sommet du barrage doit être à la même hauteur que le haut de l'entrée du tunnel. Pas de réservoir non plus à ce stade au débouché du tunnel. Et enfin, il n'y aurait bien sûr qu'un seul canal d'irrigation, à savoir l'ancien canal Bai, rénové et prolongé d'une 60 kilomètres. En d'autres termes, dans cette option, seule la zone sud est concernée, soit un peu moins, comme on a vu, d'1,5 million de mous. Et dans l'estimation des coûts, à la fin du premier rapport, Li Jie ne retient en fait que cette version, en précisant que pour l'autre, il faudra attendre que de nouveaux relevés et de nouvelles estimations soient effectuées. Et cette estimation, donc, se monte à environ 1,2 million de dollars, en incluant... Alors là, pour les dollars, il y a un problème, parce qu'il y a les dollars chinois et les dollars étrangers. Et dans ce cas, Li Jie parle bien de dollars étrangers. c'est-à-dire de dollars américains, 1,2 million de dollars, en incluant d'ailleurs 25% de surcoût pour les dépenses imprévues. Mais les estimations plus sérieuses faites par la suite pour des versions d'ailleurs moins imposantes du projet montreront que ce chiffre était vastement sous-estimé. Ce rapport de 1923 fait suite à la première et de loin la plus longue campagne de relevé faite par les équipes de l'IJE sur le site du Weibei. Et il est évidemment antérieur aux campagnes suivantes qui devaient le qualifier assez sérieusement. Dans tous les cas, l'IJE n'a pas traîné pour faire la publicité de son grand projet. D'une part, il publie deux versions résumées du rapport, l'une en chinois, que je n'ai pas vue, que je n'ai jamais vue, et l'autre très soignée dans sa présentation et incluant une série d'excellentes photographies en anglais. Et c'est donc celle où l'on trouve les photographies que je vous ai déjà montrées des protecteurs que l'IJE s'est donné pour son projet, c'est-à-dire le gouverneur Liu Zhenhua, le président honoraire du comité du Weibei, le général Hu Jingyi, qui à cette date d'ailleurs a quitté la province depuis plus d'un an, à la suite de Feng Yuxiang, et qui en fait n'y reviendra jamais, parce qu'il meurt très jeune, et enfin le président en exercice du même comité du Weibei, c'est-à-dire le général Tian Runchu, basé à Tianyang et à Sanyuan. Ces pamphlets, surtout celui en anglais, sont évidemment destinés à être diffusés à l'extérieur de la province, auprès des autorités politiques et des organisations philanthropiques. Et d'autre part, l'IJE monte une exposition sur ses investigations et sur ses projets qui aurait inclus des maquettes et sans doute aussi des photographies, une exposition qu'il montre à Xi'an et qu'il fait ensuite tourner dans toute la région. Et cette communication, comme on dirait, à usage local, avait certainement une grande importance à ses yeux car elle était destinée à créer un mouvement d'opinion publique en faveur de ces plans, lesquels étaient supposés éliminer à jamais la menace de la famine dans la région. Et plus particulièrement, cette communication devait encourager les investisseurs. En effet, pendant toute cette période, l'idée est de financer une part significative du projet en émettant des bons dont la rentabilité sera garantie par le quadruplement escompté de la valeur des terres une fois qu'elles bénéficieront de l'irrigation. Ce premier rapport de 1923 est suivi par un second rapport daté de 1924, mais je ne suis pas sûr de quand exactement en 1924. À vrai dire, la chronologie exacte des événements n'est pas très facile à établir pendant cette phase, et plus spécifiquement, il reste quelques incertitudes sur la façon dont les étrangers se sont intéressés à cette affaire et y sont intervenus. Car ils y sont intervenus, et certainement très tôt. Nous avions vu déjà que, avant même de se décider à retourner au Shanxi, l'IJE avait été informé que les étrangers résidant dans la province, mais nous ne savons pas exactement qui, étaient pleins d'enthousiasme pour les projets de développement de l'irrigation au Weibei. Ensuite, on trouve dans la rubrique des nouvelles personnelles, dans le numéro d'octobre 1923, toujours de la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains, cette information un peu bizarre. Je traduis, Monsieur H. Li, c'est-à-dire H. Li, ingénieur en chef du bureau d'hydraulique du Shanxi, accompagné par Monsieur Munsell Liu et Monsieur F. S. Baker, est arrivé à Xianfu en route pour le site d'un vaste projet d'irrigation qui fait l'objet d'une enquête. Ceci donc octobre 1923, à une date où Li-Jie était arrivé à Xi'an depuis plus d'un an et où la première campagne de relevé était terminée. Mais cette information, donc un peu, peut-être un peu, qui était restée dans un tiroir pendant plusieurs mois, est intéressante malgré tout, parce qu'elle montre que Li-Jie discutait de son projet sur place avec des ingénieurs étrangers, dont nous savons d'ailleurs que l'un au moins, ce monsieur Liu, nous savons qu'il était, mais c'était de toute évidence un étranger, c'est dit ailleurs. Je veux dire peut-être un chinois de l'étranger, mais pas un employé local. Mais malgré tout, il nous est dit qu'il résidait au Shanxi, effectivement, puisqu'il appartenait au bureau provincial des routes à Xi'an. Tandis que l'autre, M. Baker, avec les initiales FS, donc à ne pas confondre avec John Baker, dont j'avais parlé, qui viendra dans la province pour le compte de la CIFRC pendant la famine de 1930, cet autre Baker, donc, ce F.S. Baker, résidait à Shanghai et il appartenait à une compagnie privée de travaux publics assez connue qui s'appelait Asia Development Company et pour laquelle Todd avait travaillé peu de temps avant, au début des années 20. On est donc dans un petit monde et le milieu des ingénieurs étrangers en Chine est tout à fait au courant des projets de Li-Jie et s'y intéresse même de très près. Todd lui-même, qui a pris ses fonctions d'ingénieur en chef de la CIFRC le 1er décembre 1923, et qui s'est aussitôt lancé dans une grande tournée des provinces chinoises pour évaluer les sites où la commission pourrait entreprendre des travaux, il couvre quelques 28 000 kilomètres en 1924, Todd donc va passer au Shaanxi en mars-avril de cette année 24 et parcourir la région du Weibei en compagnie de Li Jie. J'ai déjà fait allusion à cette visite effectuée en compagnie notamment de Walter Mallory, qui était alors le secrétaire général exécutif, comme on dit, enfin comme on disait en anglais, de la CIFRC. Les archives de Todd contiennent d'ailleurs un magnifique passeport, grand comme ça, signé par le gouverneur Liu Junhua, et avec un tampon rouge énorme, donc qui garantit en principe la sécurité de Todd quand il se déplace sur les territoires théoriquement contrôlés par le dit Liu Junhua. Dans tous les cas, il semble assez clair que la CIFRC s'intéressait depuis un certain temps au projet du Weibei, lequel entrait éminemment dans sa sphère de compétence, c'est-à-dire les programmes de travaux publics susceptibles de diminuer l'impact des famines dans l'avenir. Dans une lettre plus tardive, Todd fait allusion à cette visite en parlant de Li Jie comme de l'ingénieur qui représentait notre comité du Shaanxi. Et en effet, on trouve le nom de Li Jie, c'est-à-dire Li Jie, parmi les membres du comité provincial de la CIFRC au Shaanxi dans ces années-là, 23, 24, 25. Rapport également plus tardif de la CIFRC parle de lui simplement comme de l'ingénieur de la commission du Shaanxi. Donc la commission CIFRC au Shaanxi. Enfin, on trouve un important article dans le numéro de juin 1924 du Chinese Economic Monthly, le mensuel économique chinois, qui est une publication officielle du gouvernement chinois, publiée à Pékin. Un article qui est consacré au projet sous le titre, c'est en anglais, mais là je traduis, l'article est en anglais, donc le titre est « Assurer le Shaanxi contre la famine ». Et cet article commence par dire que des préparatifs sont en train pour lancer le projet qui associe la CIFRC et les autorités provinciales du Shaanxi. Donc on est en juin 1924 et un peu plus loin, il indique que le plan a été initié par la commission de secours contre la famine, donc par la CIFRC. Et c'est-à-dire que Li Jie a soudain été dépossédé de ce qui devait être l'œuvre de sa vie, comme il le sera d'une certaine manière en 1930. D'une certaine manière, oui, au moins dans cet article qui, bien que non signé, est de toute évidence de la plume de Todd, qui parle en fait de sa visite à la première personne. Or, comme ce sera de nouveau le cas en 1930, Todd est toujours très doué pour s'attribuer, à lui personnellement ou à son organisme, les initiatives des autres, même s'ils ne passent pas nécessairement leur nom sous silence. Mais, indépendamment de cela, je serais porté à penser que, dès son arrivée à Xi'an à l'été 1922, Li Jie a rencontré les représentants locaux de la CIFRC, c'est-à-dire du comité qui s'était constitué dans la province au moment de la famine de 1920-21 et qui s'était agrégé à la CIFRC au moment de sa création, à la fin de 1921, lesquels représentants étaient nécessairement familiers des projets que l'on commençait à agiter à Sanyuan et dont Guo Xijun, pour sa part, s'était fait l'apôtre depuis plusieurs années. Mais eux-mêmes, dès 1922, semble-t-il, le comité de la CIFRC du Shaanxi avait réservé la somme non négligeable de 50 000 dollars pour financer une étude d'ingénierie sur le site. Et nous avions aussi vu qu'au début de 1922, la CIFRC avait envoyé un ingénieur, un certain Wu Nankai, inspecter le site. Il est donc clair que Li Jie s'est allié avec le comité du Shaanxi pour faire avancer son programme d'études systématiques et scientifiques du terrain. Au reste, il semble tout à fait clair qu'il n'aurait pas pu accomplir grand-chose avec les seules ressources de son bureau d'hydraulique du gouvernement provincial. À en croire, en effet, le rapport de Todd, inclus dans le rapport annuel de la CIFRC pour 1924, les campagnes d'investigation du site conduites par Li Jie auraient été financées par le comité provincial de la CIFRC pour 35 000 dollars. Le rapport du comité provincial, dans le même numéro de la revue, qui est beaucoup plus précis, surtout dans sa version en chinois d'ailleurs, dit 15 000. Et précise que cette somme a été versée au bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei et qu'elle a servi à payer l'achat d'instruments de mesure, donc apparemment il n'y avait pas ça dans les bureaux officiels du gouvernement, ainsi que les salaires des équipes envoyées sur le terrain. Et enfin, et ce détail a quand même son intérêt, ce rapport dit clairement que les tableaux et les cartes réalisés par Li Jie et par ses collaborateurs ont été remis au comité provincial de la CIFRC et y sont conservés, et non pas au bureau d'hydraulique dépendant du gouvernement provincial dont pourtant Li Jie est le chef. Nous apprenons aussi que les deux co-responsables de l'enquête sont Lee Jeu et Lee Jong-san, le responsable du bureau du Weibei et frère juré du général Routinier, comme nous avons vu. En tout cas, quoi qu'il en soit de tout cela, ni ses contacts avec la CIFRC, ni ses financements dans les années 22, 23, 24 ne sont mentionnés dans les sources chinoises sur Lee Jeu. Et à vrai dire, lui-même n'en parle pas non plus dans ses textes, du moins pas avant la visite de Todd et Mallory, à laquelle il fait en revanche allusion ça et là, et même avec une certaine insistance dans un texte dont je reparlerai tout à l'heure. L'article du Chinese Economic Monthly auquel je faisais allusion, ainsi que le rapport de Todd dans le bulletin de la CIFRC pour 1924, donc rédigé l'année suivante, suggère plusieurs choses, dont la première est que Li Jie a réussi à vendre à Todd son projet, au moins dans ses grandes lignes, et dans la version préliminaire quelque peu réduite dont j'ai parlé tout à l'heure, la seule en fait pour laquelle des études sérieuses avaient été faites à ce moment. Todd, en effet, écrit qu'il s'est convaincu, sur place et avec Lee Jeu, que essayer de réparer l'ancien canal, c'est-à-dire la partie supérieure creusée dans la falaise à l'entrée de la gorge, c'est-à-dire en fait cette partie, que réparer l'ancien canal, donc, serait impraticable et beaucoup trop coûteux. C'est pourtant ce qu'a fait Eliassen en 1930. Et que, donc, l'idée du tunnel s'impose en effet. Mais, outre qu'il estime le devis à environ 1 750 000 dollars et non pas 1 200 000, il a aussi des incertitudes sur divers détails et il n'hésite pas, je parle toujours de Todd, à demander l'envoi, à demander à ses supérieurs de la CIFRC, l'envoi d'un ingénieur hydraulicien expérimenté et étranger, non pas un chinois, pour vérifier les résultats des investigations dirigées par Li Jie et en faire certaines autres qui lui paraissent indispensables. Cela, même s'il mentionne par ailleurs l'excellente équipe de jeunes ingénieurs qui entourent Li Jie au Shanxi, dont beaucoup sont ses anciens étudiants de Nankin. Mais ce qu'on apprend aussi dans l'article du Chinese Economic Monthly, c'est que, au début avril 1924, Todd a rencontré les autorités du Shanxi, aussi bien le gouverneur Liu Zhenhua à Xi'an que le général Tian Junchu à Sanyuan pour les convaincre de participer financièrement au projet, sans quoi celui-ci n'a aucune chance de se réaliser. La proposition, apparemment acceptée par Liu Zhenhua, au moins pour un temps, serait de faire avancer 1 million de dollars par le gouvernement provincial, la CIFRC accordant pour sa part un prêt d'un demi-million de dollars à 10% sur 3 ans. Ceci en plus, est-il dit élégamment, en plus de l'intelligence investie dans le travail, qui sera donc fournie par la CIFRC, the brains of the work, ce qui revient implicitement à considérer Li Jie comme une sorte d'adjoint chargé des études préliminaires et en plus sujet à vérification. Un peu plus loin dans le texte, qui n'est pas totalement cohérent d'ailleurs, il est question de demander à Tian Junchu de s'arranger pour lever auprès des futurs usagers, du moins les plus prospères, les marchands et les riches propriétaires, 750 000 dollars sous forme de bons émis par un district de réhabilitation pour l'irrigation, qui reste à créer bien sûr, tandis que pour sa part, le gouverneur fournirait la même somme sur les revenus de la province. Mais dans tous les cas, est-il précisé, ce sont les usagers qui paieront en fin de compte sous forme d'achat de bons ou de remboursement de prêts. Et par ailleurs, la CIFRC ne s'engagera pas dans ce chantier, dont la durée est évaluée à 3 ans et demi, tant que le dispositif financier ne sera pas totalement en place et que la moitié de la somme budgétée ne sera pas déposée dans des banques sûres, disent-ils, et son utilisation soumise à la signature de la CIFRC. Cela étant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le projet auquel tient Li Jie avant tout, c'est le grand système inspiré du canal Zhengguo et irriguant plus de 4 millions de mous, qui suppose l'édification d'un barrage de 80 mètres de haut à Diaozhui et de plusieurs réservoirs. À ce stade, Todd veut encore bien croire à la faisabilité de ce projet à terme. La CIFRC, qui s'est manifestée comme le principal intéressé parmi ces organismes, pose des conditions pour s'engager, que la province assume sans attendre la moitié, du coût, que les fonds soient protégés et que les autorités, assemblées provinciales comprises, s'engagent solennellement à rembourser les prêts. Or, les autorités n'ont pris aucun contact, dit Li Jie, avec la CIFRC à Pékin pour négocier. La seule solution se résume donc à ce que Li Jie appelle un proverbe occidental qui n'est autre que « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ce qui doit, en l'occurrence, s'appliquer non seulement à la province du Shanxi et à son gouvernement, mais à chaque sous-préfecture concernée, si bien que le gouvernement de Xi'an devrait mobiliser 60% du budget du projet du Weibei sous forme d'un emprunt public pour l'irrigation, c'est-à-dire Shueli Gongjai, un emprunt public pour l'irrigation. Donc 40% de cet emprunt serait souscrit dans les sous-préfectures du périmètre d'irrigation du Weibei. Mais le principal problème est à l'évidence politique. C'est que, et là je suis toujours ce discours, c'est que le patron du bureau d'hydraulique du Weibei, le fameux Li Zhongshan, qui un an plus tôt collaborait étroitement avec Li Jie, il y a même une photo, on les voit tous les deux, fait tout pour que le projet échappe à la province et à son bureau d'hydraulique dirigé par Li Jie, donc, alors que la province ne veut pas en déléguer la responsabilité au bureau d'hydraulique du Weibei, lequel est une organisation non gouvernementale. Li Zhongshan a essayé, sans succès d'ailleurs, de négocier avec le gouvernement de Pékin la création d'un bureau spécial du gouvernement central qu'il représenterait lui-même au Shanxi, mais la seule idée de mettre dans le coup un gouvernement central aussi notoirement impuissant, et de plus, pourrait-on ajouter à cette époque, fameusement corrompu, paraît ridicule à Li Jie, qui préconise par conséquent de profiter de ce que Li Zhongshan est absent de la province pour que le comité du Weibei prenne les choses en main et démarre tout de suite les travaux avec le reliquat des fonds d'investigation du comité provincial de la CIFRC, demande à Xi'an d'allouer des fonds de secours contre la famine pour continuer et attendre que l'emprunt public pour l'irrigation dont j'ai parlé, qui va être incessamment lancé, commence à rendre pour enfin mener les travaux à bien. Quoi qu'il en soit, nous savons par le témoignage de Li Zhongshan lui-même, publié bien sûr dans les Wenshu Ziliao, qu'il avait agi comme émissaire secret de son frère juré, donc Hu Tingyi, alors basé à Shunde, dans le sud du Zheli, qu'il avait agi comme émissaire secret dans ses négociations préalables à ce qu'on peut appeler le coup de Pékin. Il était donc en effet loin des affaires du Weibei. Dans tous les cas, la dégradation rapide de la situation en Chine en général et au Shanxi en particulier, au lendemain de la deuxième guerre entre les cliques du Zheli et du Fengtian et du retournement d'alliance provoqué par le coup de Pékin en octobre 1924, cette dégradation rapide fait qu'aucune organisation philanthropique ne mettrait un sou dans un projet comme le Weibei. Dans son rapport pour 1925, d'un ton extrêmement pessimiste, le comité provincial de la CIFRC, du Shanxi, explique qu'il a encore cherché le moyen de mobiliser des fonds pour le projet du Weibei, mais étant donné que la région du Guangzhou est, disent-ils, plus ou moins devenue un champ de bataille permanent, absolument rien ne peut être fait. Au printemps de cette même année, donc toujours de 1925, Liu Zhenhua quitte le Shanxi pour aller appuyer un de ses adjoints au Henan, à ses adjoints qui étaient en conflit avec Hu Tingyi. Et son armée de Liu Zhenhua se fait proprement anéantir, lui-même se retrouvant tout d'un coup totalement isolé et devant aller se mettre sous la protection de Yan Xishan, le seigneur de la guerre et soi-disant, enfin, réputé gouverneur modèle du Shanxi, la province voisine. Au moment de quitter Xi'an, Liu Zhenhua a laissé son poste aux mains de Wu Xintian, un seigneur de la guerre également peu recommandable, qui était arrivé, j'avais donné son nom au moment où j'en avais parlé, qui était arrivé au Shanxi en 1921 avec Feng Yuxiang et qui rançonnait depuis lors le sud de la province en toute indépendance. Nous savons par un témoignage recueilli par Todd auprès d'un ami chinois revenant de la région en mai 1925, un témoignage que Todd d'ailleurs transmet à son attaché militaire à l'ambassade, que Wu Xintian, qui n'avait d'autre idée que d'accroître ses forces, les porter à 30-40 000 hommes, ne contrôlait qu'une toute petite partie de son territoire au Shanxi, le reste étant aux mains d'une multiplicité de seigneurs de la guerre locaux, petits et grands, dont le principal était le fameux Tian Junshu, président du comité d'hydraulique du Weibei l'année précédente, quand Todd l'avait rencontré, mais à présent basé à Weinan, sur la Wei en aval de Xi'an, avec une force d'une vingtaine de milliers d'hommes. Et le même informateur précise que, pour parcourir la centaine de kilomètres qui sépare Xi'an de Tongguan, donc la sortie de la province à l'est, il fallait passer par pas moins de 11 contrôles militaires, plus ou moins indépendants les uns des autres. C'est donc au milieu de cette anarchie que Li Jie envoie d'abord son disciple et adjoint, Xu Kai, essayer de négocier un financement avec la CIFRC à Pékin, puis, comme cette mission n'a rien donné, part lui-même pour une tournée des grandes villes, afin d'essayer d'intéresser les pourvoyeurs de fonds, charitables ou autres, donc de Shanghai, de Nankin, de Tianjin et de Pékin, mais également sans succès. Quand il retourne au Shanxi l'année suivante, donc au printemps 1926, il est bloqué, comme je l'ai déjà mentionné, par le siège de Xi'an et repart enseigner à Pékin et à Nankin. Liu Zhenhua lui-même, qui était donc l'hôte forcé de Yan Xishan au Shanxi, avait pu reprendre du service grâce à la rupture entre Feng Yuxiang et Zhang Zuolin, les complices dans le coup de Pékin en octobre 1924, lesquels étaient ouvertement entrés en guerre un an plus tard. Feng Yuxiang ayant à ce moment replié ses forces au nord de la Grande Muraille dans le Chahar et le Suiyuan. Les ennemis de 1924, Wu Peifu et Zhang Zuolin, sont à nouveau alliés, et cette fois-ci contre Feng Yuxiang, Wu Peifu étant allé chercher Liu Zhenhua dans son exil et l'ayant nommé commandant en chef responsable de l'extermination des bandits au Henan, au Shanxi et au Gansu. Liu Zhenhua était donc reparti pour son ancien fief dans l'ouest du Henan, où il avait reconstitué son armée en y incorporant forces, bandits et membres de sociétés secrètes. Les témoignages sur le siège de Xi'an, disais-je, abondent. Et il y a en fait un cahier entier de Wen Shizhiao rien que sur ce sujet. Mais ils sont assez contradictoires. Les récits des Wen Shizhiao dans l'ensemble parlent toujours d'une défense héroïque, ce qu'elle a certainement été, et ils portent systématiquement Yan Hucheng au pinacle. En revanche, on a quelques témoignages de missionnaires enfermés dans la ville et ayant refusé de la quitter, ce qu'ils auraient pu faire, grâce aux interventions des puissances étrangères, pour qui, ou d'après qui, les troupes qui défendaient la ville n'étaient qu'un ramassis de pillards commandés par des chefs de bandits. Le siège de Xi'an, qui durait depuis la mi-avril, a été levé à la fin novembre par une armée arrivant de l'ouest, depuis le Gansu, qui était l'armée nationale, la Gominjun, de Feng Yuxiang, arrivant là au terme de ce qu'on a appelé, parfois, mais un peu abusivement, une longue marche. En fait, les troupes de Feng Yuxiang avaient dû se replier dans un grand désordre depuis leur forteresse de Nankou, qui est une passe au nord de Pékin, où elles s'étaient fortifiées pour se protéger contre les forces de Wu Peifu et de Zhang Zuolin, et pour protéger le domaine où Feng Yuxiang s'était replié donc en Mongolie intérieure, depuis une année environ, et où il cherchait à se reconstituer en attendant un nouveau destin national. Feng Yuxiang lui-même, qui était devenu un client de l'URSS, au moins pour en obtenir une aide militaire, était parti pour Moscou en mai 1926, où il avait été reçu avec honneur, et où il était accompagné donc par Yu Yuzhen, qui était alors un leader important du Kuomintang, c'est-à-dire du régime de Canton, qui s'apprêtait à lancer la reconquête du pays depuis le sud, accompagné de Yu Yuzhen et accompagné également de Li Dajiao, personnage très connu, qui était un des fondateurs du Parti communiste chinois et qui était également membre du Kuomintang. Parce que je vous rappelle en effet que depuis 1923, je crois, les deux partis s'étaient alliés sous la houlette de conseillers soviétiques. Quoi qu'il en soit, l'intervention de Feng Yuxiang pour libérer Xi'an aurait été négociée à Moscou. La nouvelle Kuomintang unifiée, donc la nouvelle armée de Feng Yuxiang, est reconstituée dans le nord-ouest lointain, absorbe donc le Gansu et pénètre au Shanxi, où Yu Yuzhen est déjà aux avant-postes à Sanyuan, dans son Sanyuan natal. La libération de Xi'an marque le début d'un bref épisode, entre guillemets, révolutionnaire dans la ville dominée par les forces de la nouvelle armée nationale de Feng Yuxiang et par ses alliés politiques du Kuomintang. Le Kuomintang, dont l'armée révolutionnaire, la Kuomintang, est désormais engagé dans l'expédition au nord sous le commandement de Chiang Kai-shek. De ce point de vue, on a parfois, du point de vue de cet épisode révolutionnaire, on a parfois comparé Xi'an en 1927 à Hankou, appelé Hankou la Rouge, dominé par le Kuomintang de gauche et par les communistes exactement au même moment, et où, soit dit en passant, Todd avait harmonieusement collaboré avec Borodine, le chef des conseillers soviétiques, pour construire des digues. C'est dans l'histoire de la province en quelque sorte une fausse articulation, cet épisode révolutionnaire, en ce sens que le Shanxi va servir pendant 3 ans de base arrière aux forces de Feng Yuxiang, lequel, après avoir quitté la province au début de 1927 pour faire sa jonction avec l'expédition au nord des forces cantonaises, finira par rompre avec Chiang Kai-shek, et ça sert non seulement de base arrière, mais de base arrière exploitée sans le moindre scrupule. Concernant l'histoire qui nous sert de fil conducteur, Li Yizhe est rentré à Xi'an après la libération de la ville, plein d'espoir pour ses projets, sans nul doute, d'autant plus que pendant 6 mois, le commandant en chef de la place n'était autre que son vieux compagnon, Yu Yuzhen. Mais il a été amèrement déçu et il est parti au début de 1927, plus ou moins en claquant la porte, c'est-à-dire en faisant publiquement état de la déception que lui causaient ses chefs progressistes qui ne pensaient qu'à la guerre et à la révolution et qui se désintéressaient des souffrances du peuple et des projets de développement économique. Pendant les 3 années qui suivent, le projet du Weibei semble définitivement en panne, et comme je l'ai déjà exposé au moins dans les grandes lignes, il faudra attendre la fin de 1930 pour que les choses démarrent pour de bon, mais alors dans des conditions politiques totalement différentes. Et à l'initiative de la CIFRC, et enfin aux conditions de la CIFRC. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Pierre-Étienne Ville. Présentation Christine Goémé. Réalisation Dominique Briffaut. France Culture, partenaire. Festival international de l'affiche et des arts graphiques de Chaumont du 21 mai au 26 juin. 16e édition d'une manifestation qui présente une approche à la fois contemporaine et historique du graphisme, avec notamment cette année une exposition consacrée au grand graphiste moderniste Cassandre, une vision de la création française actuelle avec Christophe Jacquet et une mise en lumière de la scène graphique néerlandaise. 16e festival de l'affiche et des arts graphiques de Chaumont, du 21 mai au 26 juin, à retrouver dans les émissions de France Culture. France Culture, partenaire. C'était Hier et Silence, deux courtes pièces d'Harold Pinter, mises en scène par le jeune Suisse Jean-Manuel Rau, du 3 juin au 1er juillet au Théâtre de la Bastille, à Paris. Situation flottante, identité floue, souvenirs fluctuants, un triptyque changeant, incertain, sur les relations entre les êtres, sur les énigmes secrètes de l'existence. Modulation sur le passage du temps. C'était Hier, suivi de Silence, au Théâtre de la Bastille, du 3 juin au 1er juillet, avec France Culture. Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, dans les sentiers de la création, baroque, folie et génie au menu, autour du chef-d'œuvre de Toscato Tasso, La Jérusalem libérée. Dans les belles captives, cette semaine, découvrez Socrate à la Villa Gillet, Jean Genet à l'Athénée et Félix Guattari au Centre Pompidou. Enfin, un entretien inédit avec le compositeur Carole Beffa. Dans les chemins de la connaissance, rendez-vous avec André Gide à travers des archives INA. Hors les murs, un colloque. Paris-Berlin-Moscou, regard croisé de 1918 à 1939. À l'Université Bordeaux 3, dans le cadre des rencontres Montaigne, l'irreprésentable. Une conférence qui porte non seulement sur la mémoire, mais sur les conditions du témoignage et de la transmission. À Lima, où va le Liban? Enfin, au CNAM, l'innovation chez trois leaders du e-commerce sur Internet. À la carte, les sentiers de la création, les chemins de la connaissance, 24 heures sur 24, sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance à 11h30 nous proposent cette semaine, en écho à l'inauguration le 11 juin prochain du premier centre européen du patrimoine arménien à Valence, de revenir sur le génocide arménien. Une commémoration fixée au 24 avril date des premières arrestations et des premières déportations de notables arméniens de Constantinople. Troisième volet, témoins et rescapés, avec Joseph Ali Choran, Jacques Rétoré, auteur d'une étude intitulée « Les chrétiens aux bêtes ». 11h, fiction feuilleton, Manhattan Transfer de John Dos Passos, 8e épisode, New York 1910. Jim a maintenant 20 ans, il a perdu sa mère et son oncle, veut faire de lui un banquier, alors